want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God, no. God, no. I want to break free. C'est ça, non? C'est ça? Attends. Je l'ai dans cette tonalité, moi. Ah merde. Attends, y'a un problème. Putain, c'est trop bloqué, putain. Putain, mince. Just a minute. J'arrive pas à trouver le nombre de mesures. J'arrive pas à trouver le nombre de mesures. C'est ça? Je crois qu'il y a 24 mesures. Attends, combien de mesures? J'ai pas compté. 25. C'est ça? Non. Merde. Putain, merde. Attends, je vais les compter. Attendez, j'ai perdu la page. Just a minute. Ok. Merde, putain, je suis plus Reaper. C'est pas 48, je me suis trompé. Allez, note ça. Mmh. just a minute. Oh, I want to break free. C'est dur, il y a combien de mesures là? Ouais, sinon, je le fais tourner tout le temps. Hein. Peut-être que c'est ça. On va tester. Test. Synchroniser. Ah, il en faut 8 de plus. Ah, merde, il en faut 8 de plus. Attends, 48. 48. 56. 56. Ah, on peut pas faire 56. Ah putain, on peut pas faire 56. Ah, oh, c'est pas bon. Ça passe 56, on peut pas faire 56. Avant, on pouvait mettre 56, non? Ça marche, c'est ça? Ça, si. don't need you. I've got to break free. Bon, c'était compliqué, désolé. C'était pas facile. C'est pas facile. Sinon, attends. French song, the French song. Mm-hmm. New Song. Got no, I want to break free, Frank. Allez, mon petit Frank. Ah, ça y est, 130. Et 32. 32. I want to break free. Oh, I want to break free. Oh. It's a French song. Listen to this. It's a simple song, it's a French song. You understand? You know? Parc fermé, tant pis je vais flâner vers Notre-Dame brûlée. Tant pis je reste sur le macadam. Pavé, c'est presque rien, mais j'en fais tout à moi. Yeah, yeah. Parc fermé, tant pis je vais tenter de boire un verre glacé au milieu de milliers de solitaires. Je sais, je n'aime pas la mer lorsque je suis sur terre. Yeah, yeah. C'est bien, la drum c'est impeccable. C'est good drum. Parc fermé, tant pis je vais flâner vers Notre-Dame brûlée. Tant pis je reste sur le macadam. Allez, c'est presque rien mais j'en fais tout un bras. Yeah, yeah. Parc fermé, tant pis je vais tenter de boire un verre glacé au milieu de milliers de solitaires. Je sais, je n'aime la mer que lorsque je suis sur terre. C'est ça. c'est bien. Parc fermé, tant pis je vais flâner vers Notre-Dame brûlée, tant pis je reste sur le macadam. Allez, c'est presque rien mais j'en fais tout un drame. Yeah yeah. Parc fermé, tant pis je vais tenter de boire un verre placé au milieu des milliers de solitaires. Allez, solo. Dame, brûlée, tant pis je reste sur le macadam. C'est presque rien, mais j'en fais tout un drame. Yeah, yeah. C'est ça. You hear my bass? vais flâner vers Notre-Dame. For the bus, not good. Oh putain, merde, d'accord. Je suis désolé. Je vais flâner vers Notre-Dame, brûler, tant pis je reste sur ma cadavre, pavé, oh oui. Macadam, pavé, c'est presque rien, mais j'en fais tout un drame. Yeah, yeah. Parc fermé, tant pis, je vais tenter de boire un verre glacé au milieu de milliers de solitaires. Je sais, je n'aime la mer que lorsque je suis sur terre. Yeah, yeah. Parc fermé, est-ce une avalanche, un imprévu? Je sentais bien que la terre penchait dès le début. Nous portions des mitaines au pontant de la Saint-Martin. Parc fermé, je rêvais de retrouver ce vieux banc d'acier, de regarder passer la vie des gens. Passer, et pas le grand soleil chauffé à blanc. Quand se touche, yeah yeah, à toi Divine. Gentleman, Mr. Divay à la guitare, Santos à la batterie, Franck au clavier, bien les gars. Allez, une dernière. Parc fermé, je ne sais plus où aller, je suis désemparé. On devait se retrouver là devant les rosiers. Je t'attendais mais je n'ai plus le courage. Yeah yeah. Parc fermé, retourner la case départ ou avancer. Je veux prendre le large, marcher toute la journée. Je t'ai laissé un avis de passage. Yeah yeah. Parc fermé. Vous en voulez encore? Allez, Divaï, à toi! Come on, come on! Il s'appelle Divaï, il s'appelle Sotos, il s'appelle Franck. Et c'est le groupe Nimbot. Fermé, je ne sais plus où aller, je suis désemparé, on devait se retrouver là, vers le rosier, parc fermé, allez, une dernière pour la route. Merci Sotos. Merci Divaï. Merci Franck. Bravo, bravo. Et dédicace à Benjamin Violet. Thank you. La ganja, ganja party. Ganja party. Vous entendez la basse? Là, je vais faire ça, regarde. Une basse simple. Two, three, four. Ouais, ça tire ma basse un peu. As sweet as I can, if I'm not a face to I don't mind. J'ai passé à lancer. Hein. Try your keyboard. Ah, it's pas blanc. I'll change the keyboard. Ah, j'ai pas eu d'accord, merde. Thank you. fade side. Ouais, c'est mon synthé qui déconne là, putain. Saloperie de synthé. Anna said I'd age too old. The speed of rip is tangled with me, and I lost my head and full of air. The stupid thing I say, oh no, what is a speed of rip? And I'm caught in the middle, so I turn to run the road. Cool. Ça va trop vite. C'est ça la tonalité. Quoi le BPM? Ah, 180, non ? C'est quoi le thème ? Ouais, c'est ça. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches à un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas. Ouais, c'est bien. Tu parles tout, c'est ça. Ok. One, two, three, four. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. C'est 32. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Ah, ça va vite, hein. C'est bien le batteur. Je crois que c'est 32. C'est en 32. Tu passes toute ta vie pour taper et t'avir ton bal. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Ah, il y a une basse. Qui c'est qui joue la basse? Oscar. Ok, Oscar. Oscar, come on. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Qui c'est qui veut voter pour que je puisse chanter? Je le fais à capella. Je le fais à capella.